Dès que je suis rentré en humanité, je rêvais d'à tout niquer. Fumer des sales connes, à l'époque j'étais un sale mot. M'en couille, je partais salement au point de donner des coups. Arrête insolent, empêche qu'on a besoin d'un peu de soleil. C'est la clé qui fait t'en parler, ouvrez grand vos oreilles. Tu dis qu'on est des bourges, le rap c'est pas dans nos cordes. On a peut-être que d'anges, mais on est des témoins à qui on a coupé les cornes. Et d'une fois on nous a dit, vous avez dépassé les bornes. On était sales gosses, on rêve d'être les boss. On nique les coffres, c'est du tort, t'es tombé sur un os. Pour le moment, on n'est pas dans les braques. En tout cas, y'aura la trace rouge sur ta gueule quand j'aurai donné ma claque. 1090 FLO, l'exutoire. On m'a dit, c'est Namo, ferme un peu ta grande gueule. Je mets ma bite dans ta bouche et tu crois que j'abandonne. Y'a mille façons de mourir, ce qui compte, c'est trouver le moyen de vivre. Je compte pas sur les avares ni sur ce cavale. Je laisse rien au hasard, c'est pour ceux qui suent à la salle. La smala, c'est insatiable et ouais, t'as la salle. Au fond de moi, je m'en bats les couilles, beaucoup trop de choses. Je suis là défoncé sur ma chaise, j'ai beaucoup trop chaud. Moi, je suis tout le contraire d'une machine. Je veux pas grand chose, ça me saoule ou bien ça me fatigue. Nique sa mère à la culture, de toute façon y'aura jamais de réponse à mes calculs. Exutoire, ça trouve le cul. C'est Namo, c'est crème comme le colal. C'est secret d'être totalement incontrôlable. C'est bien, c'est sur les taxis. Tous ces moutons finiront léthargiques. La smala, l'exutoire, ouais. On t'a haché. On est pas de ceux qui se la pètent, pas de ceux qui papotent, pas de ceux qui crapotent, mais de ceux qui niquent la prod. Approche, on est la poste, t'as pas idée des trucs qu'on élabore, ni pas. Quand on pleura t'as la barre, laisse couler la barre, on en a rien à battre. Freestyle, et c'est la cavalcade. Même posé dans une cavacade. Ce qu'il faut, c'est du fric pour combler le vide. Pas besoin de flic et je vois ce putain de vice. Moi compris le beat, j'ai compris le trip. Tu veux jouer les gastrites pendant que l'alcool se mélange à l'acide gastrique. On gaspille nos thunes, c'est pour mes gaspides nocturnes. Notre que l'équipe lapide trop de. C'est le temps passé, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Écoute l'ami, il serait grand temps que je roule ma bille. Toute la nuit, je bois donc je vomite la bile. Au MIC, je reste stable, ça c'est pour ma ville. Je peux tout brûler en projetant de l'essence. Le rap s'est fait buter, moi je conserve les cendres. Hey, carton pic, remballe ton contrat. Si j'ai une trop grosse pite, pataka, sucez mon doigt. J'encule le rap, pour être franc, j'suis pas venu pour camper. Ton mouvement, j'm'en branle, donne la thune et j'm'en vais. Pour tous les fumeurs, pour toutes les fumeuses, frère, j'suis pas d'humeur. Zap, c'était abrumeux, wesh. Mat le pur style fils, lâche que des rimes riches, même quand c'est la dèche. J'suis pas sophistiqué, pas d'office stylé. Tape nos y grillés, crame nos styles. C'est ta senti, c'est pas du token. Tu veux écouter, espèce de petit coquin. J'ai besoin que de ma belle et d'un petit split au car. Tu t'envoies mon freestyle, ça veut whisky coca. Crade, tes masques ils s'écrasent, ils flashent. Je demande qui écrit mes phrases, tant pis. Si j'atteins pas le butin, je boufferai des champis et je traquerai des lutins. Je crache sur ta répute, HVZ7K. Je suis bon qu'à mes fûts et cramer des 16 bars. Pas de ceux qui se la pètent, pas de ceux qui papotent, pas de ceux qui crapotent, mais de ceux qui niquent la prod. Approche, on est la poste, t'as pas idée des trucs qu'on élabore. Ni pas quand on paiera ta la barre. Laisse couler la barre, on en a rien à battre. Freestyle, et c'est la cavalcade. Même posé dans une cavalcade. Pas de ceux qui se la pètent, pas de ceux qui papotent, pas de ceux qui crapotent, mais de ceux qui niquent la prod. Approche, on est la pote, t'as pas.